Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Quand le bâtiment va, tout va. En mai 1850, à la tribune de l'Assemblée nationale, le député Martin Nadaud lance cette formule destinée à la postérité. La construction est signe de prospérité. Nadaud sait de quoi il parle. Ce creusois, avant d'être député sous la Deuxième République, a été maçon à Paris pendant 2 décennies. La phrase exacte prononcée à la tribune ce jour-là est « À Paris, quand le bâtiment va, tout profite à son activité ». Cette phrase est très vite synthétisée dans la formule « Quand le bâtiment va, tout va » comme un écho à une autre formule « Quand la santé va, tout va ». Mais une question demeure, construire d'accord, mais avec quels matériaux? Quand Martin Nadaud s'exprime en 1850, la pierre est une évidence. C'est d'ailleurs ainsi que nous nous représentons le plus souvent la ville, même la ville ancienne, la ville du Moyen-Âge, avec ses épaisses murailles, ses palais, ses cathédrales. Pourtant, la ville médiévale est faite de bois, de plates, de briques. L'historien et l'historienne et l'archéologue sont là pour nous faire aller au-delà de nos représentations pétrifiées. En histoire, quand la recherche scientifique va, tout va. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous nous intéressons aux villes. Que signifie habiter une ville au Moyen-Âge? Des émissions que vous pouvez réécouter sur le site Le cours de l'histoire, franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis, vous pouvez nous rejoindre, vous êtes de plus en plus nombreux, sur le groupe Facebook Le cours de l'histoire. Alors aujourd'hui, la question est... La pierre fait-elle la ville au Moyen-Âge? Oui, nous allons visiter une ville médiévale, nous allons nous balader dans les rues, regarder un peu en quoi sont construits les bâtiments, bois, pierre, briques. La question est d'importance hein, parce que ce choix ne s'explique pas simplement pour l'esthétique ou la solidité. Le choix du matériau va beaucoup plus loin et pour nous en parler, une belle équipe, une historienne de l'art et un archéologue combo. L'historienne de l'art, c'est vous, Raphaël Scupien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de cours en histoire de l'art à l'Université de Picardie et de Lille. L'archéologue, c'est vous, Bastien Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'Université de Toulouse, archéologue donc, et spécialiste des villes et de l'habitat au Moyen-Âge. Et l'historienne, c'est vous, Sandrine Victor. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maîtresse de conférences en histoire médiévale à l'Université d'Albi. Vous venez tous pour nous parler d'un colloque hein, qui vient d'avoir lieu, colloque international, pierre et dynamiques urbaines. Sandrine Victor, c'était quoi ce colloque? Quelle était l'idée quand on met en place un tel colloque? Il y a une volonté, on est à un moment précis de la recherche. Pourquoi maintenant un colloque sur la pierre et les dynamiques urbaines? Pendant très longtemps, on a pensé qu'une ville dynamique, c'était une ville qui se construisait en pierre, dans une espèce d'évolution un peu à la Darwin. Forcément, la ville qui évolue vers le progrès va vers la pierre. Alors, c'est une idée généralement admise, une pérennisation du bâti par l'emploi de la pierre. Et en fait, ce colloque avait comme idée de mieux dégager les limites de cette idée et de voir que la ville ne se construit pas qu'en pierre, qu'on continue à utiliser d'autres matériaux, le bois, la brique, le pan de bois, le torchis, tout ce que vous voulez, et que l'un n'exclut pas l'autre. On peut construire pierre et autres matériaux. Voilà, bah vous avez apporté votre pierre à la recherche historique, nous allons en parler. À la fin de l'émission, nous retrouverons Anaïs Quien qui assure la programmation du cours de l'histoire. Anaïs Quien avec son journal de l'histoire. Mais pour le moment, petit tour à Rouen. À Rouen en 1952, dans les actualités françaises. Rouen en 1952, sur le chantier de la cathédrale qui a drôlement souffert pendant la Seconde Guerre mondiale. Les actualités françaises s'extasient. Devant la cathédrale, le travail est demeuré le même que celui des bâtisseurs du Moyen-Âge. Tous ces ouvriers réparent les blessures de la guerre. Les outils et les gestes sont demeurés les mêmes, et on évoque les ancêtres sculpteurs. L'imagination vagabonde, et si l'on veut oublier l'animation moderne qui nous entoure, on a vite l'impression de se trouver soudain au Moyen-Âge. Et d'assister à la riche naissance de la cathédrale. Et cette impression se confirme lorsqu'on s'engage dans certaines rues de Rouen où rien ne semble avoir changé depuis des siècles. L'imagination vagabonde, rien ne semble avoir changé depuis des siècles. Raphaël Scupien, vous êtes historienne de l'art, donc vous avez étudié les représentations de la ville médiévale. Comment apparaît cette ville médiévale? C'est vrai qu'on a tout de suite une représentation en pierre. Alors, en effet, pour les premières représentations de la ville, que ce soit celles qui figurent sur les sceaux, comme l'a étudié Ambre Villain dans sa thèse, ou dans les premières miniatures, c'est une ville essentiellement en pierre avec des appareils qui apparaissent très nettement. Dans l'iconographie parisienne, je parle d'iconographie parisienne, c'est-à-dire de représentation reconnaissable de la ville de Paris, dès le XIVe siècle, on a également ces représentations de la ville avec la pierre, qui correspond à l'architecture des demeures bourgeoises mises en œuvre dès le XIIIe siècle dans le milieu parisien. Mais ces représentations évoluent autour de 1400, où l'on voit tout à coup des murs qui se lissent, une ville haute en couleurs, bigarrée, avec des toitures polychromes, des façades pastels, ponctuées de façades à pans de bois, qui correspondent à une réalité du bâti, cette émergence des constructions à pans de bois, de construction maçonnée, enduite éventuellement de couleurs pastel. Seulement, ce qui disparaît, c'est cette construction en pierre. Pourtant, les maisons du XIIIe siècle n'ont pas été rasées au début du XVe siècle pour faire place nette. Ça, c'est important de le souligner, hein. C'est-à-dire qu'on ne rase pas les villes. On a des représentations selon les différents moments du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge est une période très longue, mais les maisons restent, on le voit encore aujourd'hui. Nous habitons dans des bâtiments qui ont 100, parfois 200 ans, parfois beaucoup plus. Les choses restent. La représentation, elle, évolue, c'est-à-dire la manière dont les gens voient leur ville et la mettent, alors vous l'avez expliqué à Raphaël Scupien, sur des sceaux, sur des miniatures, et là on voit vraiment des changements, donc le mur a tendance à se lisser, on ne voit plus les pierres apparentes. Alors, phénomène surprenant, au niveau du bâti, on ne voit plus les pierres apparentes, mais pendant longtemps, on va continuer à représenter la muraille de Paris en pierre, à la manière de la muraille de Philippe Auguste. Alors, c'est toujours vrai au sud de la ville, mais au nord de Paris, à la fin du XIVe siècle, Charles V, enfin la muraille dite de Charles V, est une construction en terre, c'est une terrée surmontée d'un muret, on n'a plus cette grande muraille ponctuée de tours circulaires, et cette représentation de la terrée dite de Charles V va mettre du temps à s'imposer dans les miniatures au cours du XVe siècle. C'est tout au long du XVe siècle, on assiste à une représentation évolutive de la ville qui va d'un certain côté refléter les innovations de la construction architecturale avec ses maisons dotées de tours qui abrite des vis de distribution dans les étages, et d'autres représentations qui semblent être des représentations de villes idéales, avec des maisons modulaires, blanches, rigoureusement identiques, qui, elles, contribuent à développer cette esthétique de la rue droite, d'une ligne horizontale, que l'on considère caractéristique d'une construction moderne, empruntée à une esthétique italienne, alors qu'en fait, ce type de construction existe sur les ponts de Loti dès le début du XVe siècle. Donc, deux représentations concurrente de la ville au XVe siècle, et un phénomène qui disparaît, une innovation majeure autour de 1500, les appareils mixtes en pierre et briques, qui apparaissent dans l'iconographie méridionale, dans l'iconographie du Nord, des Flandres, mais qui est rigoureusement absente des représentations parisiennes. Voilà, Raphaël Scupien, vous nous mettez en place, c'est vrai, ces questionnements que l'on doit avoir en tête, cette grille de lecture quand nous parlons de la ville au Moyen-Âge. Il y a des lieux différents, le Nord, le Sud, l'Italie, Paris, tout ça n'est pas pareil. Et puis, il y a une chronologie qui s'étend du 5e au 15e siècle, c'est très long. Sandrine Victor, ce n'est pas possible de décrire la ville médiévale dans son idéal. En revanche, est-ce que l'on peut essayer de comprendre comment les gens fantasmaient la ville médiévale? Qu'est-ce qu'était une ville pour des contemporains au Moyen-Âge? A priori, elle n'est pas nécessairement en pierre. Exactement. En fait, pour les contemporains, la ville, c'est d'abord les lieux de pouvoir, pouvoir religieux, pouvoir politique, ceinturés par une muraille. Donc, ces lieux, c'est vrai, ont tendance à utiliser la pierre, et c'est ce qui reste dans nos villes actuelles, hein, c'est des villes de pierre, alors on a l'impression que toute la ville est en pierre. Or, ces villes sont aussi eh bien, le lieu de vie d'une population qui a un habitat en pan de bois, parfois même en terre crue. Hein, par exemple, on trouve au cœur de Marseille, de Perpignan, de Narbonne jusqu'au XIVe siècle, des murs en terre. Donc ces murs en terre ne sont pas caractéristiques du monde rural. On les trouve aussi dans le monde urbain. Et puis le tissu urbain, ce n'est pas un tissu forcément très serré comme on peut l'imaginer maintenant dans nos cœurs de ville. On trouve en fait des terrains, des friches, des jardins, des vergers, des endroits où peuvent paître des animaux, etc. Donc c'est une ville qui va avoir une enveloppe, mais pas forcément une densité. Il est important d'ailleurs de relier, vous venez de le faire, hein, la vie de la cité, l'organisation de la cité, l'urbanisme si j'ose dire, avec la construction elle-même. C'est-à-dire que ça va de pair. Étudier les matériaux qui servent à construire les différents bâtiments, que ce soit un palais, une église, une simple demeure, un magasin, un léal, etc. C'est étudier également la vie, le quotidien des gens dans la ville. Oui, le matériau, en fait, c'est un marqueur hautement politique. Parce que les pouvoirs publics vont utiliser les matériaux pour marquer l'espace. Donc c'est par exemple le pavage des rues. Hein. On va utiliser la pierre pour paver les rues. C'est parce qu'on veut marquer l'espace. Mais pour autant, la ville, c'est aussi le lieu de vie d'une population. Et donc les individus agissent aussi comme bâtisseurs. Alors ce ne sont pas des grands commanditaires, hein, ce ne sont pas des princes italiens, mais ils sont là et c'est eux qui font le tissu urbain dans le fond. Et c'est eux qui construisent le tissu urbain, ce sont eux qui vivent la ville. Justement, cette ville, nous en avons conservé des traces et on le voit bien, ce sont les bâtiments en pierre qui restent le plus souvent. Nous sommes fascinés devant les cathédrales, devant les palais. Vous, Bastien Lefebvre, vous êtes archéologue. L'archéologue a longtemps étudié justement ces bâtiments. La quête de trouver la pierre, la statue, ce qu'il reste, le matériau, la sculpture. Aujourd'hui, l'attention se porte sur une plus grande variété de sources possibles, c'est-à-dire que tout est pris en compte, on a entendu, hein. Y a du torchis, il y a du bois. Vous regardez tout ça? Oui, on regarde tout ça. On fait à la fois des fouilles pour documenter des constructions qui ont disparu et dont il reste des vestiges. Alors, c'est partiel parce qu'on n'a que ce qui a été laissé. Mais on fait aussi ce qu'on appelle l'archéologie du bâti, c'est-à-dire qu'on étudie des constructions conservées en élévation avec les méthodes de l'archéologie pour décortiquer les différents états et voir les transformations dans le bâti lui-même. Qu'est-ce qu'on retrouve d'ailleurs en tant qu'archéologue quand on avait une maison en bois? Comment on peut savoir ici s'il y avait du colombage avec du torchis, etc. Qu'est-ce que la maison ainsi bâtie peut laisser comme trace à travers les siècles? Alors les archéologues, ils sont tributaires de ce qu'on appelle l'effet de source, c'est-à-dire que c'est l'effet de conservation des éléments dans la terre. La plupart du temps, les matériaux périssables, le bois, la terre crue, les végétaux disparaissent, pourrissent, donc on ne les retrouve pas. On retrouve parfois les négatifs de ces structures, sinon on trouve des vestiges en pierre, ou en briques, ou en matériaux durs. Dans certaines conditions, par exemple en milieu humide, le bois est conservé, parce qu'il est conservé dans l'eau, sans oxygène. Et du coup, là, on peut avoir des structures bien conservées, des poteaux, voire quelques élévations de conservées. Et là, ça documente des choses assez importantes. Ça documente des choses assez importantes. Et nous le voyons bien, il y a plein de matériaux possibles. La pierre est là, on ne peut pas s'en passer, mais il y a du bois, du torchis, il y a plein d'éléments. Et ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture. Elle est bien, mais je voyais de la pierre, moi. Si, on en a déjà parlé de la pierre. Je peux pas monter une pierre d'une toise et demie dans un escalier à colimaçon. Je suis pas magicien, hein. C'est pas désagréable, le bois. D'autant que là, je vous ai mis de la qualité, hein. Par contre, faudra faire gaffe en mangeant, hein. Parce que là, je vous ai fait un traitement à l'huile de porc pour imperméabiliser. Mais s'il y a des taches de jus de viande, c'est foutu, hein. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Petit clin d'œil sur la ville médiévale, avec un extrait de la série Kaamelott, où effectivement, il y a toujours cette représentation où la forteresse Kaamelott est construite en pierre, donc elle est plus belle que les autres. Et parmi toutes les sources dont on dispose pour essayer de comprendre la ville médiévale, dont vous disposez, archéologue, historien d'art, historien, s'il y a bien sûr ce qui est trouvé en terre, il y a les enluminures, il y a les sceaux, il y a énormément d'éléments. Et puis après, il y a la littérature et la représentation à travers les siècles de cette vision de la ville médiévale. Exemple, avec un roman de 1831, mais pas n'importe quel roman, Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui nous est lu aujourd'hui par Olivier Massonneau. Paris est né, comme on sait, dans cette vieille île de la cité qui a la forme d'un berceau. La grève de cette île fut sa première enceinte, la Seine, son premier fossé. Paris demeura plusieurs siècles à l'état d'île, avec deux ponts, l'un au nord, l'autre au midi, et deux têtes de pont qui étaient à la fois ses portes et ses forteresses. Le Grand Châtelet sur la rive droite, le Petit Châtelet sur la rive gauche. Puis, dès les rois de la première race, trop à l'étroit dans son île, et ne pouvant plus s'y retourner, Paris passe à l'eau. Alors, au-delà du Grand, au-delà du Petit Châtelet, une première enceinte de murailles et de tours commença à entamer la campagne des deux côtés de la Seine. De cette ancienne clôture, il restait encore au siècle dernier quelques vestiges. Aujourd'hui, il n'en reste que le souvenir, et ça et là, une tradition. La porte Baudet ou Baudoyer porta Bagaouda. Peu à peu, le flot des maisons, toujours poussé du cœur de la ville au dehors, déborde, ronge, use et efface cette enceinte. Le Paris actuel n'a donc aucune physionomie générale. C'est une collection d'échantillons de plusieurs siècles, et les plus beaux ont disparu. La capitale ne s'accroît qu'en maisons, et quelles maisons ! Du train dont va Paris, il se renouvellera tous les 50 ans. Aussi, la signification historique de son architecture s'efface-t-elle tous les jours. Les monuments y deviennent de plus en plus rares, et il semble qu'on les voit s'engloutir peu à peu, noyés dans les maisons. Nos pères avaient un Paris de pierre, nos fils auront un Paris de plâtre. Un extrait de Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, lu par Olivier Martineau. Sandrine Victor, quand on écoute ce que disait Victor Hugo sur Paris qui s'étend au Moyen-Âge, évidemment, là, nous sommes encore dans une problématique différente, c'est-à-dire que cette ville qui s'étend n'est pas une ville qui se construit en pierre, et c'est le paradoxe, c'est-à-dire que la ville la plus dynamique, la ville qui se crée, n'est pas la ville la plus solide. Exactement. Les nouveaux quartiers, eh bien, ce sont des quartiers qui vont d'abord être les marqueurs de la dynamique de la ville. Et ces quartiers-là sont construits en bois, sont construits en briques, un peu à la va-vite, parce que voilà, on fait avec ce qu'on a dans un premier temps. Et puis aussi parce que on a peut-être toujours, on est toujours accroché à cette idée que construire la ville, c'est construire la pierre. Et la pierre exclurait les autres matériaux. Or, le bâti n'est pas en pierre ou en bois. Il peut être en pierre et en bois. En bois, en brique, hein, on s'entend. Donc, en fait, c'est cette dynamique de construction, elle doit répondre à énormément de contextes, de choix qu'il faut faire. Alors, de choix de rapidité d'exécution, de choix d'un caractère modulaire du bâti. Ben, par exemple, ces nouveaux quartiers sont souvent lotis. Et les lotissements, on va se débrouiller pour les construire rapidement, les construire vite. Et la brique, pour ça, est parfaite, puisqu'elle permet quand même une préfabrication et une mise en œuvre très rapide. Donc là, on a clairement de l'habitat sériel dans ces nouveaux quartiers. Et d'ailleurs, dans le choix des matériaux, il va y avoir systématiquement une symbolique. Raphaël Scupien, par exemple, si l'on prend la symbolique de la pierre, est-ce que c'est autant qu'on peut l'imaginer la matière noble, absolue, la pierre, la construction en pierre? La symbolique est très forte, on l'imagine. Mais un bâtiment en briques est dévalué au Moyen-Âge? Est-ce qu'il est considéré comme un peu secondaire? Non, ça dépend en fait de là où on se trouve et comment on construit sa ville, comment on imagine sa ville. Alors justement, au niveau de ces représentations, c'est très surprenant. Il y a des éléments dont l'appareil en pierre continue à être représenté dans les miniatures parisiennes. Là, je parle vraiment du milieu parisien. Ce sont tous les murs de clôture. Alors, dans les sources et dans les textes, dans les figures judiciaires, on a bien la mention de cette utilisation de la pierre de taille pour la construction de ces murs. C'est plutôt lié à une représentation traditionnelle de la pierre comme symbole de force, de puissance, de résistance. Donc, les murs de clôture, l'enceinte ou alors même le parapet qui va faire former une limite visuelle entre le regardeur et la page va être représenté en pierre de taille. En revanche, pour le bâti, les constructions en pierre se devinent puisqu'on a un lissage du mur, donc un mur qui paraît complètement uni, bleu-gris. Et pour retrouver cette construction en pierre, il va falloir regarder l'ornement des fenêtres et notamment les remplages ou alors la forme des pignons. La forme des pignons peut indiquer une construction maçonnée et les remplages flamboyants vont indiquer la localisation d'une chapelle et une construction particulièrement prestigieuse. En revanche, la brique n'est pas représentée dans le milieu parisien alors que c'est quelque chose de représenté par les peintres tourangeaux comme une architecture nouvelle, moderne et prestigieuse. Bastien Lefebvre. Oui, en fait, ça dépend des contextes parce que on a parfois des enduits qui sont mis sur des maçonneries de briques. Alors, on aurait toute la liberté de pouvoir dessiner du faux appareil de pierre. Et non, c'est du faux appareil de brique qui est dessiné sur des enduits qui recouvrent des maçonneries en brique. Comme quoi, voilà, oui. Il y a plein de cas de figure particuliers. Oui, c'est ça. C'est que tous les possibles sont présents. Un bâtiment n'est pas construit uniquement en pierre ou en bois ou en brique. Tout peut se mélanger. Et que c'est vrai que c'est intéressant de se dire que on dessine de la brique sur de la brique pour symboliser la brique. Et c'est vrai qu'on le voit encore quand on visite des églises, notamment ces peintures qui représentent des pierres alors que le mur est lui-même en pierre. Il y a une recherche d'exposer le matériau utilisé, c'est-à-dire que selon les régions, selon les villes, il y a des spécificités qui apparaissent. Il y a des villes plutôt en briques, des villes plutôt en pierre selon les différentes régions. Comment on peut analyser ça, Sandrine Victor? Évidemment, la construction répond à un contexte, répond à des ressources. Le choix du matériau va se faire en fonction de la disponibilité de ce matériau. Donc, si vous êtes par exemple en Lorraine ou dans des zones très boisées, on va utiliser le bois autant que faire se peut. Inversement, dans des zones où la pierre est abondante, on va plutôt utiliser la pierre. C'est une question de rentabilité, de coût, mais également une question de technicité, puisque ça veut dire que dans ces régions-là, on va avoir des artisans qui savent mettre en œuvre ces matériaux. Mais c'est donc un contexte qui est un contexte pragmatique. Hein, on va exploiter le matériau, la ressource qui est dans le coin. Mais ces contextes peuvent être un peu plus fins, un peu nuancés. On peut avoir des paramètres de mode ou alors des paramètres sociaux. Je pense au cas belge où, par exemple, la nouvelle bourgeoisie marchande voulait rompre avec les élites, l'ancien patriciat urbain, et qui lui construisait en pierre. Et cette nouvelle bourgeoisie marchande va construire en briques pour montrer qu'il y a un renouveau, qu'on est à la mode, qu'on est moderne, etc. Et ça va arriver à un tel point que les anciennes maisons de pierre vont être repeintes en rose pour imiter la brique. D'accord, donc il y a tout un jeu en fait symbolique entre ces différents mondes en fait qui se côtoient en ville. Pour simplifier, c'est vrai qu'on a tout un univers religieux, l'univers du pouvoir, il y a l'habitat, il y a les gens, il y a tout le commerce. Et ce choix de montrer par le matériau utilisé pour sa construction là où l'on se positionne dans une forme d'avancée parce que l'on est commerçant, le choix de la brique est intéressant. Vous, Raphaël Scupien, quand vous étudiez toutes les enluminures, les représentations des villes, est-ce qu'il y a un écart majeur entre la réalité de la ville et puis ce qui est représenté? Tout est transformé, relu et puis même un peu arrangé, ou il y a quand même souvent ou parfois une volonté de représenter la ville telle qu'elle est? La question appelle une réponse assez complexe. Ça va dépendre des enlumineurs. Mais de manière générale, si on considère les représentations de villes dans lesquelles on peut retrouver des monuments reconnaissables, on s'intéresse à des représentations dont les peintres manifestent une attention particulière à leur environnement bâti. Et dans leurs représentations qui peuvent paraître un petit peu folkloriques, je pense aux représentations de Jean Pichor qui a tendance à représenter toute architecture intérieure et extérieure ornée de parements de marbre polychrome, ce qui peut paraître vraiment quelque chose de, une fantaisie de la part du peintre. Il y a un fond de réalité. Je ne dis pas que la mode était d'enduit de représenter ces parements polychromes sur l'ensemble des maisons à Paris, mais il y a des sources, des témoignages qui montrent qu'autour de 1500, dans des grandes demeures de plaisance dans la région parisienne, des châteaux qui ont été étudiés par Jacques Moulin notamment, il y avait des enduits imitant des marbres polychromes. Des peintres parisiens qui sont appelés en Italie pour peindre les hôtels particuliers italiens de faux parements de marbre polychrome. On n'en a pas de source directe à Paris. Néanmoins, il est fort probable qu'il y ait eu très ponctuellement une ou deux maisons qui aient joué de ce genre d'effet. Et Jean Pichard a tenu à valoriser cette esthétique dans sa miniature. C'est comme aujourd'hui, nous repérons toujours ce qui est en marge et on focalise uniquement dessus, alors que le reste de la ville, elle, n'a pas bougé depuis des décennies et peut-être des siècles. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire sur France Culture, nous réfléchissons à ce qu'est cette ville médiévale, comment elle est construite, avec quels matériaux. Ce qui est certain, c'est qu'au Moyen-Âge, comme aujourd'hui, pour construire une ville, il faut des maçons. Le Moyen-Âge, le temps des chevaliers, ça tombe bien. Maurice Chevalier, la chanson du maçon. C'était une fois, là-haut sur un toit, un maçon qui chantait sa romance. Ce fait n'a l'air de rien, vous allez voir combien un petit fait peut avoir d'importance. Comme il me reste à vous prouver comment, je vais commencer par le commencement. Un maçon chantait une chanson, là-haut sur le toit d'une maison. Et la voix de l'homme s'envola pour se poser par là comme un oiseau sur la voix d'un autre maçon qui reprit la chanson sur le toit voisin de la maison. Et ainsi commença l'unisson de deux maçons et d'une chanson. De maçon en maçon, de pignon en pignon et de rue en ville et en village, la chanson prit son vol et dans sa course folle accrocha tous les échafaudages. Le bon vieux curé se mit à danser parce que dans le pays tout entier, mille maçons chantaient une chanson. Tout là-haut sur le toit des maisons, ça leur donnait du cœur au boulot. Les matériaux tout seuls semblaient monter tout seuls et les maisons poussaient comme des champignons. Ça faisait la joie des compagnons qui chantaient avec tous les maçons tout là-haut sur le toit de nos maisons. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. C'est la chanson du maçon de Maurice Chevalier dans le cours de l'histoire, une émission réalisée par Perret Legras avec aujourd'hui à la technique Clément Daté et les équipes de France Bleu Toulouse, Pierre Bouillin. Merci beaucoup à France Bleu. Nous parlons aujourd'hui de la ville au Moyen-Âge, cette ville que nous avons longtemps présenté comme étant une ville en pierre. C'est vrai que c'est la représentation qui nous a été imposée, notamment, bien souvent, par les enluminures. Et même Raphaël Scupien, on peut dire que le symbole héraldique sur les armoiries de la ville, c'est quelques tours, ce sont les murailles, en fait, et c'est en pierre. Tout à fait. C'est le même principe de représentation que sur les sceaux, avec cette forte symbolique éventuellement d'un château à trois tours, avec cette enceinte fortifiée. Et dans certains sceaux, on va avoir une personnalisation de ce motif, avec la représentation par exemple du donjon de Vincennes ou d'une sainte chapelle. Mais c'est dans les armes comme sur les sceaux, c'est cette muraille en pierre qui évoque la force, la résistance de la ville. Alors nous nuançons aujourd'hui la ville de pierre au Moyen-Âge. Vous, Bastien Lefebvre, quand vous fouillez, quand vous réfléchissez à ce qu'est la ville, cette ville-là, est-elle vraiment en pierre? Parce que la question que l'on pose est un peu générale sur l'ensemble du Moyen-Âge. Vous, la ville, c'est une ville de pierre ou pas? Si on vous pose la question, la ville du Moyen-Âge est-elle en pierre? Je pense que je répondrai comme Sandrine Victor. C'est une ville qui est faite de matériaux mixtes, où la pierre joue un rôle important, alors qui est différent selon les périodes du Moyen-Âge. Vous l'avez dit, c'est long, le Moyen-Âge, mais où la part du bois est toujours, toujours importante. Ne serait-ce que, par exemple, dans les charpentes de comble, ou dans les éléments de couverture, ou dans le second œuvre, il y a du bois. Et puis, enfin, moi, je travaille sur les maisons. On a des fois le logis de la maison qui peut être construit en matériaux durs, mais des bâtiments annexes, qui, eux, peuvent être construits en bois ou en grande partie en bois, selon différentes techniques d'ailleurs d'utilisation du bois. Oui, les matériaux utilisés dans une maison, vous le dites bien, il y a le bois pour la charpente, on l'entend, il y a le bois pour les appentis aussi, pour tous les parquets en fait en bois. Et puis il y a aussi cette maison telle qu'on la représente, où la pierre n'est qu'à la base, n'est que le rez-de-chaussée et qui s'élève ensuite dans d'autres matériaux. Voilà, ça ce sont des constructions qui sont dites sur Solin, c'est-à-dire qu'on a des petits murets de pierre qui sont inférieurs à un mètre généralement de hauteur et qui permettent d'isoler en fait la construction en bois du sol qui est humide et qui peut faire pourrir le matériau. Quand on est archéologue, on trouve des maçonneries, parce que c'est maçonné. Voilà, après, toute la difficulté, c'est de restituer l'élévation. Est-ce que c'était une élévation entièrement pierre, ou alors est-ce que c'était une élévation, justement un solin qui portait une élévation en pan de bois? Donc on regarde l'épaisseur des murs, c'est pas toujours simple à identifier, parce qu'il faut restituer les élévations. Et on peut retrouver les accroches du bois dans la pierre qui sert de base? Oui, alors parfois on a des constructions où on a des poteaux qui venaient, qui étaient scellés, si vous voulez, dans la maçonnerie en solin. Donc là, à ce moment-là, voilà, on sait qu'il y avait une élévation en bois. Oui. Alors nous parlons de la ville, nous construisons la ville, nous avons ici du bois, ici de la pierre, tiens, du plâtre, on n'en a pas parlé encore, de la brique à foison, mais tout ça, faut bien que ça vienne de quelque part, faut bien les transporter. Quant à la brique qui n'est pas de la pierre, faut bien la fabriquer. Faisons un petit tour auprès des bâtisseurs de cathédrales, c'était dans l'émission C'est pas sorcier en 2013. Écoutez, maître architecte, c'est toujours la même chose. S'il n'y a pas de pierre, il n'y a pas de travail. Et quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de salaire. Allez donc expliquer cela à mes ouvriers. C'est pourtant simple à comprendre. Il faut attendre la livraison des pierres. Mais moi, je comprends. Si le maître tailleur de pierre, il n'est pas livré, ça sert à rien que mes compagnons charpentiers ils fabriquent des échafaudages et des coffrages. Maître forgeron, où allez-vous? Éteindre ma forge. Ben, il a raison. Et nous voilà dans Beaudra. Et qui va payer pour ce retard? C'est vous, maître architecte? Un peu de patience, tout va rentrer dans l'ordre. C'est une question de jours. Œuvrez plutôt à bien finir ce qui est commencé. Moi, j'envoie le chartier à la carrière sur le champ. Allez, la suite au prochain chapitre. Ce que je constate, c'est que du temps de votre prédécesseur, on n'avait pas ce genre de problème. Eh oui, mais du temps de mon prédécesseur, il y a 40 ans, au début du chantier, les carrières de surface suffisaient. Il n'y avait pas besoin de creuser pour extraire la pierre. Forgeron, architecte, tailleur de pierre, chartier et tant d'autres. Sandrine Victor, étudier les matériaux qui servent à fabriquer la ville au Moyen-Âge, c'est étudier une économie beaucoup plus large. Et c'est aussi en cela qu'elle est intéressante, cette ville médiévale. Ce n'est pas juste pour savoir si la maison était en pierre ou plutôt en bois ou un petit peu des deux. C'est aussi l'ensemble d'une économie qu'on étudie dans ces moments-là. Oui, bien sûr, c'est tout un territoire qui correspond à la ville de ce côté-là. C'est à la fois la mobilité des artisans, puisque en général, les artisans se déplacent d'un chantier à l'autre, transportant leur savoir-faire, transportant un petit peu leur pâte, si je peux dire. Et puis, c'est réfléchir aussi les ressources au niveau du territoire, d'abord dans les mobilités de ces ressources. Est-ce qu'on a une rivière, un fleuve qui nous permet de déplacer, par exemple, la pierre ou le bois à moindre coût? Est-ce qu'on a des routes, ou en tout cas des passages carrossables, parce que un chariot de pierre, ça coûte. Et il est assez intéressant de voir, par exemple, dans les comptabilités, le transport coûte très cher, et surtout la réparation des essieux, qui sont mis à rude épreuve. Et puis aussi, c'est réfléchir sur le territoire des phénomènes, comme par exemple les phénomènes de carence, qui vont aussi induire des choix dans les matériaux, parce que quand, par exemple, il y a moins de bois ou qu'une carrière est plus éloignée, plus compliquée à exploiter, là encore, le matériau, le choix du matériau dans la construction va être un marqueur social, un marqueur économique, parce que les plus fortunés vont peut-être saisir l'opportunité pour outrepasser la contrainte locale et donc aller se payer la pierre ou le bois plus loin et montrer ainsi qu'ils ont un fort pouvoir d'achat. Et puis, on a aussi, in fine, la venue ou non d'un technicien. Je pense aux grandes cours des princes qui vont faire venir des techniciens qui vont pouvoir mettre en œuvre un matériau ou un autre, matériau qui en général n'est pas autochtone. Et donc là aussi, en choisissant un ouvrier bien particulier, on montre son pouvoir, on montre sa force économique. Oui, l'aspect ostentatoire de la construction, du choix des matériaux avec de la pierre noble, même si toutes les pierres ne sont pas nobles. Raphaël Skupien, c'est vrai qu'on peut réfléchir à ce que signifie le mot pierre, parce que c'est un terme très générique, mais qui couvre plein de réalités. Alors, il y a en effet des pierres de couleurs différentes. Alors ça, je pense que Sandrine Victoire et Bastien Lefebvre en parleront bien mieux que moi. Mais on le voit au niveau de la perception. Par exemple, un auteur italien, Stoa, qui va parler du marbre de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Or, on sait bien que Notre-Dame de Paris n'est pas construite en marbre. Mais en revanche, la façade était polychrome au Moyen-Âge. Les parties de couleurs ont probablement évolué. À la fin du XVe siècle, les sculptures semblent avoir été majoritairement rouge et or, mais en laissant partiellement la pierre apparente, et une pierre d'une qualité exceptionnelle, très blanche, qui se caractérisait par sa clarté, qui a probablement valu ce qualificatif de marbre. Et c'est une pierre qui est particulièrement prestigieuse. Donc là, on peut la laisser apparente et non pas l'enduire de couleur. Oui, voilà. Donc quand l'ambassadeur parle de marbre en regardant Notre-Dame, peut-être même qu'il sait que ce n'est pas vraiment du marbre. C'est plus, là encore, un mot utilisé à valeur symbolique pour dire c'est une très belle cathédrale, donc avec des parties peintes, polychromes, et des parties donc qui sont laissées blanches avec une pierre qui est travaillée, qui est grattée pour qu'elle soit resplendissante. C'est comme ça que ça se construit Notre-Dame au Moyen-Âge? Alors, Notre-Dame a pris des couleurs différentes. La peau de Notre-Dame change et évolue énormément au XVe siècle. En revanche, sur l'utilisation du mot marbre, Andreas Hartmann-Wilnisch a fait un très beau travail pour les régions méridionales en montrant que la couleur du marbre, les mots utilisés pour décrire la pierre, en fait, traduisaient moins la couleur des matériaux véritablement mis en place que toute la symbolique qu'il y avait derrière. Et le marbre, c'est la clarté, c'est la blancheur, c'est la pierre belle par excellence. Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on dit le marbre, tout de suite, ça évoque quelque chose de prestigieux. Dans cette volonté d'essayer de comprendre l'économie autour du choix des matériaux pour construire la ville, et notamment là où l'on s'approvisionne en pierre, vous, l'archéologue Bastien Lefebvre, vous devez porter une grande attention, vous découvrez les matériaux, et donc vous pouvez les relier à une chaîne beaucoup plus large, et notamment à la recherche des carrières. Il y a cette réflexion-là qui permet d'inscrire la ville dans un territoire beaucoup plus large. Mais alors ça, c'est l'objectif qu'on a toujours un petit peu du mal à atteindre, mais c'est l'objectif effectivement qu'on poursuit, c'est d'essayer de redessiner toute l'économie du chantier. Alors ça commence par observer la répartition des matériaux, observer aussi la part du remploi, c'est quelque chose qui est très important au Moyen-Âge, et ensuite voir les carrières dont peuvent être issues les pierres, parce que ça donne des informations sur aussi d'autres travaux, et puis voir aussi les moyens d'acheminement, le coût aussi de la construction. Alors là, on fait appel aux collègues historiens pour évaluer ça, pour se rendre compte du coût de la construction avec des matériaux dont les prix varient beaucoup. Et forcément, ça a une incidence forte sur le sens de construire en tel ou tel matériau prédominant ou de montrer tel ou tel matériau dans la construction. Sandrine Victor, justement, l'historien, l'historienne, quand il s'intéresse à la ville, dispose d'autres sources que simplement les enluminures, que l'archéologie, qui sont essentielles. Mais il y a sans doute les sources comptables, il y a tout ce qui est issu du temps des chantiers. Comment peut-on manier l'ensemble? Est-ce que ces sources-là permettent de mieux comprendre la ville? Est-ce que notamment la pierre, qui est souvent privilégiée comme symboliquement forte, est mise en avant dans les sources, et est-ce qu'on oublie le torchis facilement? Alors c'est vrai que l'historien dispose de nombreuses sources. La source reine pour étudier les chantiers, c'est la comptabilité. Les comptabilités des fabriques, les fabriques étant ces structures qui ont été mises en place pour gérer expressément un chantier. Mais on a aussi tout le notariat. Il y a énormément de contrats, de procurations, de préfets que l'on rencontre dans le notariat. Donc c'est un travail de petite main et de patience que d'aller explorer ces fonds-là. Alors pour la pierre, c'est vrai que les comptabilités, en général, elles sont structurées et on met à part les matériaux. Mais on trouve la pierre comme la brique, le bois, les tuiles, etc. C'est une catégorie de matériaux. Ce qui est intéressant, et ça reprend un petit peu ce que vient de dire Bastien Lefebvre, c'est que on a beaucoup de remploi. Et donc, parfois, on a un effet de source, là aussi, en histoire. On a l'impression que qu'il y a très peu de pierres sur tel ou tel chantier, tout simplement parce qu'on ne l'achète pas. Il est assez caractéristique, assez typique, pardon, qu'une cathédrale, par exemple, se construise à partir d'un ancien temple que l'on détruit. Et étant donné que la fabrique n'a pas acheté les pierres, les pierres n'apparaissent pas dans la comptabilité. Alors, ce matériau roi, paradoxalement, est celui peut-être le plus absent des lignes comptables. C'est toujours très beau, hein, quand on fait de la recherche, de lire parce que l'on ne voit pas. Et à ce que l'on ne voit pas, ce qui n'est pas dit, parfois, apporte plus que ce qui est dit. Mais ainsi, la ville médiévale se construit, et ce qui permet au XVIe siècle à Clément Marot d'écrire cette chanson « Dedans Paris, ma belle ville ». Dedans Paris, ville jolie, un jour, passant mélancolie, je pris alliance nouvelle à la plus gaie demoiselle qui soit d'ici en Italie. D'honnêteté elle est saisie, et croit, selon ma fantaisie, qu'il n'en est guère de plus belle dedans Paris. Je ne vous la nommerai mie, sinon qu'elle est ma grande amie. Car l'alliance se fit-elle par un doux baiser que j'eus d'elle, sans penser aucune infamie dedans Paris. Clément Marot, dedans Paris, ma belle ville, nous sommes au XVIe siècle. La ville qui décrit cette belle ville de Paris, telle que nous pouvons l'imaginer, serait une ville en pierre. En fait, c'est cette question de la pétrification des villes, le mot est intéressant. Est-ce que cela est réel? Non, il faut nuancer, c'est un peu le fruit de la recherche historique, de l'historiographie. Sandrine Victor, on peut parler de pétrification des villes réellement, ou c'est quelque chose vraiment à mettre de côté aujourd'hui? Mettre de côté peut-être pas, mais il faut en tout cas mettre des limites assez rapidement à cette idée de pétrification. Si on réfléchit un petit peu sur du temps très long, l'image qu'on a de la ville antique, de Rome, d'Athènes, c'est une ville en pierre. Mais elle était en pierre, enfin on la voit en pierre parce que c'est ce qu'on a conservé, c'est ce qu'on voit maintenant. Mais la ville antique également était de bois, de torchis, etc. Donc en fait, notre représentation de la ville de pierre, c'est parce que la pierre reste plus longtemps. Moi j'enseigne à Albi, comme vous l'avez dit, on a une ville de briques, une ville médiévale de briques et qui se porte très bien. Donc voilà, c'est plutôt ce qui est en termes de reste que l'on réfléchit si on veut vraiment parler de pétrification. En fait, le phénomène de pétrification est très relatif. Et justement, vous le disiez bien, Sandrine Victor, ce qui reste est plus facilement la pierre. Vous, l'archéologue Bastien Lefebvre, quelle lecture vous avez de cette notion de pétrification des villes qui est à nuancer? En fait, ce que je voulais dire, c'est que je rejoins ce que dit Sandrine Victor, et je pense que c'est pour ça qu'en fait on a du mal à parler, par exemple, de la ville du Haut Moyen Âge. On vient de parler de la ville antique, on a parlé surtout des villes en fait de la fin du Moyen Âge, enfin de la seconde partie du Moyen Âge. Mais pour le Haut Moyen Âge, on a du mal à parler des villes parce qu'on a très peu d'éléments conservés en dur, à part quelques éléments religieux. Et du coup, on a du mal à parler de la ville parce qu'on n'a pas les éléments matériels pour en discuter. Ils sont donnés uniquement par l'archéologie et de manière d'ailleurs très ténue. Alors qu'on sait qu'il y avait quand même des gens qui habitaient, puisqu'on a des groupes épiscopaux importants et des espaces funéraires qui le sont aussi. La ville mérovingienne, la ville carolingienne de cette période-là, c'est vrai, n'était pas en pierre, donc on l'oublie parce qu'elle laisse moins de traces. Voilà, c'est ça. D'où la nécessité aussi, je pense, dans la volonté de représenter les villes ou de les construire, de mettre de la pierre. C'est un élément peut-être à prendre en compte, Raphaël Scupien, la volonté de laisser trace. La pierre est aussi là pour ça. Dans l'histoire, des églises ont été en bois, les construire en pierre, c'est les inscrire dans un temps beaucoup plus long. Est-ce qu'on peut lire aussi cette chronologie, cette mise en place de bâtiments en pierre dans la volonté de laisser trace? Je ne sais pas dans quelle mesure il y avait cette idée-là. Ce que l'on remarque, c'est quand même une volonté d'actualisation du bâti. Ça se voit avec Notre-Dame qui finalement surprend par ses tours carrées couvertes en terrasse, qui est interprétée comme un signe d'ancienneté à la fin du Moyen-Âge. Et autour de 1500, ces tours-là vont servir de modèle de construction pour les nouveaux clochers, Bourges, Troyes, Rouen. Donc il y a vraiment des va-et-vient. Mais pour laisser trace, les maisons à pans de bois ont fait partie de l'architecture parisienne au moins jusqu'au XVIIe siècle. Et les constructions en bois qui restent, je pense notamment à la rue Volta, sont souvent du XVIIe siècle, ou rue François Miron. Voilà, oui, on est en plein cœur de Paris, derrière l'hôtel de ville. C'est vrai que sur cette construction-là, vous avez raison de le souligner, quand un architecte met en place un bâtiment, il n'essaye souvent pas de faire ce qu'on faisait par le passé, mais il regarde les techniques du moment. Et c'est ça qui fait évoluer la ville. Vous, Bastien Lefebvre, hein, vous le voyez bien, vous voyez ces différentes étapes de construction. On voit une adaptation des techniques à ce qui se fait à une période précédente. Oui, tout à fait. Oui. Alors, c'est assez. Ça se fait de manière très progressive, quand même, hein, tous ces changements. Mais on arrive à suivre, quand on a des corpus assez importants sur certaines zones géographiques, on arrive à dessiner comme ça des tendances. Alors, il faut travailler dans le temps long, c'est sûr. Plaisir de travailler dans le temps long, plaisir de comprendre ce qu'a pu être la ville médiévale. Donc, elle n'est pas tout en pierre, les matériaux sont mélangés et surtout, elle doit se comprendre selon la chronologie et une nouvelle lecture de la ville médiévale à faire. Merci beaucoup Sandrine Victor, merci Raphaël Scupien et merci Bastien Lefebvre. Mais il est l'heure, dans le cours de l'histoire sur France Culture, de retrouver ce qui est une ville en soi, Anaïs Quien pour le journal de l'histoire. Bonjour Anaïs Quien. Bonjour, bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui dans le journal de l'histoire, mais dans quelle époque vivons-nous ? Comment choisir les mots pour nommer notre temps ? Comment caractériser notre moment contemporain et quels sont les motifs singuliers, historiques, affectifs ou encore technologiques qui l'emportent dans la manière de le désigner ? Débat classique au sein de la discipline histoire, la périodisation nous renseigne sur la perception qu'une époque a d'elle-même pour l'inscrire déjà dans le passé. La revue Tracée s'empare de la question pour en renouveler les hypothèses dans un dossier dirigé par Thomas Angeletti, Quentin Deluermoz et Juliette Gallonnier, intitulé « Faire époque ». Je te parle de mon époque quand il n'y avait pas la PST. Je te parle de mon époque où les vélos ont les corsets. Je te parle de mon époque sur le terrain c'était la guerre. Ça vendait de la PR avec les grands faisait pas la paire. Je te parle de mon époque, de mon époque, de mon époque. Je te parle de mon époque, déjà tout petit je vendais de la drogue. Je te parle de mon époque sur le terrain c'était la guerre. Ça vendait de la PR avec les grands faisait pas la paire. Je te parle de mon époque. Francesca Canadé-Sautman propose une réflexion sur les manières de périodiser dans le théâtre médiéval avant que le terme époque n'apparaisse. Siècle ne désigne pas alors un paquet de cent années, mais le temps dit au présent, un temps profane, celui dans lequel vit celui qui parle. Les guerres sont des marqueurs de temps parmi d'autres, avec leur pillage et la fragilité qu'elles font peser sur l'ordre social, au même titre que les famines. C'est l'inégalité ressentie à son paroxysme qui imprime le défilement du temps. Dans le théâtre du XVe et XVIe siècle, les temporalités s'incarnent. Sur scène, le monde se montre trop insouciant du temps présent, tandis que le bon temps exprime l'attente du retour d'un passé idéalisé qui ne reviendra jamais, un personnage malade ou agonisant. Mais le temps présent n'est jamais désirable et souvent destructeur. Il y a parfois urgence à tourner la page, comme pour le personnage de Fanny Ardant dans La Belle Époque de Nicolas Bedos, urgence à sortir d'une époque et à en faire disparaître les traces pour se soustraire à la sensation désagréable de revivre un temps révolu. Tiens, ça s'appelle une chambre d'amis. Vu qu'on n'a plus d'amis, t'as qu'à dormir ici, si tant est qu'on soit amis. Tu veux plus qu'on dorme ensemble ? Non, j'ai l'impression de vieillir plus vite quand je m'endors à côté de toi. Parmi les zappeurs d'époque, les auteurs de romans d'anticipation se distinguent. La littérature de science-fiction entretient une relation étroite avec la périodisation historienne pour établir en quelques phrases la sensation d'un temps passé ou présent. Pierre-Antoine Marty propose un article sur les usages de la périodisation dans cette littérature. Ces récits historiques fictionnels racontent un devenir possible, un territoire que Pierre-Antoine Marty décrit comme habité par les époques. La science-fiction caractérise le contemporain immédiat pour le transformer en passé afin de trouver le regard rétrospectif nécessaire à un récit du futur. Des ouvrages précieux dont la lecture, lecture de ces futurs non advenus, aide à défataliser l'histoire et nous signale à quel point le mouvement de l'histoire est sans cesse lourd de possibles. Elle était bonne cette époque, hein. On avait juste à mettre les pieds sous la table. Rien à faire, rien à penser. Et s'en est passé des choses depuis. Je t'en rappelle, hein. Vous rappelle cette époque de mes 10 ans. J'étais encore inconscient de tous les dangers qui nous entourent et toutes les tentations qui se présentent au fil du temps. Les expériences te poussent à faire des fautes pour comprendre dans quel monde on a grandi. Circonscrire une époque, c'est lui donner un début et une fin. L'événement peut en être le repère, comme une crise, celle qui ne semble pas vouloir nous quitter, ou la date de naissance du capitalisme qui pourrait marquer le début de notre époque. La crise financière mondiale de 2008 marquerait une fin, une clôture, avec la mise en terre de l'optimisme face aux capacités d'autorégulation des marchés. Pierre Penet interroge les tensions autour de la façon de dire l'époque à l'occasion de cette crise et s'intéresse à une petite minorité d'experts et d'économistes tapis dans l'obscurité d'une époque qui s'achève, les prophètes de la finance qui avaient annoncé la crise. Légitimés après la réalisation de leurs pronostics, ils ne deviennent pas pour autant les prescripteurs de la nouvelle époque qui commence. Merci beaucoup Anaïs. Le 36e numéro de la revue Tracé et son dossier Faire Époque sont disponibles chez vos libraires et en ligne bien sûr. Tous les liens utiles sont à retrouver sur la page du journal de l'histoire franceculture.fr. Demain, nous poursuivons notre exploration de la ville. Que signifie vivre en ville ? Aujourd'hui, nous étions dans la ville du Moyen-Âge. Demain, nous allons réfléchir à qui décide de faire la ville. À quel moment les gens s'agrègent pour faire ce qui devient une ville ? C'est dans le cours de l'histoire, une émission préparée par Marion Dupont, Anne Toscan-Viudès, Camille André et Alice Rouet. Des émissions qui peuvent être réécoutées en ligne sur le site internet Le Cours de l'Histoire, c'est sur franceculture.fr ou bien en podcast. Et puis il y a le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire pour échanger sur l'actualité de l'émission, sur l'actualité de la recherche également et tout simplement sur le plaisir de l'histoire.